Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous devions être en compagnie de Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre, mais qui a eu un imprévu, donc il sera avec nous la semaine prochaine. Mais ce qui explique que cette émission sera quand même un peu une émission improvisée, on va dire. Alors, on va quand même commencer avec quelque chose, je crois, qui va faire plaisir à beaucoup. C'est la fameuse valse de la deuxième suite de jazz de Shostakovich. Shostakovich, l'un des principaux compositeurs du XXe siècle, auteur d'une quinzaine de quatuors à cordes, d'une quinzaine de symphonies, et l'un des compositeurs vraiment qui a laissé une empreinte durable sur la musique de son temps, de notre époque d'ailleurs. Beaucoup de compositeurs d'aujourd'hui se réfèrent à Shostakovich et ont subi son influence. Voici cette célèbre valse de la deuxième suite de jazz, interprétée par l'orchestre symphonique de la radio de Francfort, que dirige Dimitri Kitajenko. Thank you. cette valse de la deuxième suite de jazz de Chostakovitch, on l'a tellement entendue à une époque qu'on l'entend plus beaucoup, mais c'est toujours agréable de la réécouter quand même. C'était l'interprétation de l'orchestre symphonique de la radio de Francfort, direction Dimitri Kitajenko. Un peu de Jean-Sébastien Bach à présent. Jean-Sébastien Bach est l'un de ses concertos les plus célèbres, le concerto pour deux violons, cordes et basses continues, BWV 1043, qui a été enregistré par tous les violonistes, parce que c'est un concerto qui est vraiment parmi les plus géniaux jamais composés, et qui est tellement difficile, tellement de pièges, tellement de techniques, évidemment ça intéresse beaucoup les violonistes qui ont un très très haut niveau. On va écouter le premier mouvement, Vivace, de ce concerto pour deux violons, avec Giuliano Carmignola, et puis donc pour le deuxième violon, c'est Mayumi Hirasaki, et puis l'ensemble Concerto Köln entoure tout le monde. Vivace du concerto pour deux violons BWV 1043 de Bach avec Mayumi Hirasaki au violon, Giuliano Carmignola et le concerto Köln. On va continuer avec un peu de Scriabine. C'est pas un compositeur que je passe souvent et pourtant je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que sa musique est difficile à caser dans une émission comme la nôtre où on passe un peu des pièces diverses mais quand même d'un accès assez facile. Et c'est vrai que Scriabine a laissé des pages admirables. Il a commencé un peu dans l'influence de Chopin, de tous ses compositeurs romantiques, et puis ensuite il s'est intéressé à des musiques beaucoup plus modernes. Il a d'ailleurs imprimé une certaine modernité à la musique pour piano Voici une valse de Scriabine, opus 38, jouée par Benjamin Grosvenor. Thank you. Valse opus 38 de Scriabine, interprété par Benjamin Grosvenor, qui sera bientôt présent à Nancy dans le cadre des concerts de l'association Lorraine de musique de chambre. Et justement, Philippe Fosseux, eh bien, nous a rejoint. Philippe Fosseux, président de la LMC, merci d'être venu. Philippe, ça a été un peu compliqué. Hein. Ça a été un peu compliqué aujourd'hui, oui. Bon, allez, on va tout de suite commencer par présenter ce concert qui sera donné le lundi 2 mars. Lundi 2 mars à 20h à la Salle Poirel. Salle Poirel, un concert qui réunira le pianiste Jean-François Esser et le quatuor Talich pour un programme de musique espagnole en première partie, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et puis un programme Brahms, une œuvre de Brahms en deuxième partie. Tout à fait. On inaugure un peu quelque chose de différent avec deux genres totalement différents en première et en seconde partie, un soliste et un quintet. Un soliste et un quintet. Donc, première partie, ce seront des pièces pour piano de Mompou, de Albéniz, c'est Mompou, ça Mompou, Albéniz, c'est des Faya, c'est ça. C'est, Jean-François Esser est un grand spécialiste de la musique espagnole. Oui. Et puis en deuxième partie, alors, Brahms, ce qui m'intrigue Brahms, un peu. Le magnifique quintet. Vraiment, oui. Un monument de la musique. Ah oui, ça c'est vraiment voilà. Quelque chose qu'il faut écouter. Hein, on écoutera, je vous ai proposé d'écouter un des mouvements du quintet. D'accord. Bon, là, pour aujourd'hui, moi j'ai du Dvorak, puisque Philippe, vous avez concocté le programme de l'émission d'aujourd'hui. Donc vous avez souhaité écouter un peu de Dvorak, joué justement par le quatuor Talich. Est-ce que c'est un quatuor qui est déjà venu à Nancy ? Alors c'est un quatuor qui est déjà venu à Nancy dans une formation qui était un peu différente, puisqu'il est venu à différentes époques. Actuellement, ce sont les fils, en quelque sorte, qui ont succédé au père, mais qui ont conservé, inspirés par les pères, qui ont conservé la qualité du quatuor, sa sonorité, son homogénéité extraordinaire. On va écouter un peu de ce quatuor américain de Dvorak par les Talich. Thank you. Magnifique interprétation du quatuor américain de Dvorak par le quatuor Talisch, qui sera dans nos murs à Nancy le 2 mars à 20h, dans le cadre des concerts de l'Association Lorraine de Musique de Chambre. Philippe Fossu, on dirait un peu du banjo, hein, le son de décor. Oui, des cordes, c'est une là. Inspiration, c'est une très très belle inspiration, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Et puis, c'est un ensemble tchèque et ils sont dans la tradition des quatuors tchèques et du conservatoire de l'Europe, comme on disait à propos des musiciens tchèques. Alors, ils seront donc en compagnie de Jean-François Esser, le pianiste Jean-François Esser, d'ailleurs chef d'orchestre aussi, pour le quintet de Brahms. Et en première partie, Jean-François Esser se fera plaisir, je pense, et puis aux auditeurs aussi, bien sûr, aux spectateurs, en interprétant de la musique espagnole, parce que c'est vraiment son dada. Hein. Oui, d'abord, c'est sa spécialité. Voilà. Ensuite, c'est une musique qui est très agréable, très entraînante parfois, très nostalgique aussi, de temps en temps. Et là, on va entendre des choses qui sont peut-être un peu moins connues que les grands airs habituels de Defaya ou d'Albenitz. Et il va nous faire entendre des choses un petit peu différentes, notamment Defaya, où on aura... Parce que Defaya, c'était un type tout à fait intéressant, un peu timide, et très plein de toc. Hein. Il passait trois quarts d'heure, une heure à se laver les dents tous les matins. Et en plus, il ne recevait personne avant 13h. C'était interdit. Voilà le genre de J'ignorais tous ces détails, effectivement. Voilà. Mais ça ne s'entend pas trop dans sa musique. Non, il a fait une très très belle musique. Et on va écouter justement l'une des pages les plus connues quand même de Manuel Defaya. Vous avez souhaité programmer la danse rituelle du feu tirée de L'amour sorcier. Et on va l'écouter, bien sûr, par Jean-François Esser, qui a consacré de nombreux disques à la musique espagnole. Thank you. Voilà, c'était la danse rituelle du feu tirée de L'amour sorcier de Manuel de Falla par Jean-François Esser, qui sera bientôt à Nancy dans le cadre des concerts de l'Association Lorraine de Musique de Chambre, le lundi 2 mars, salle Poirel, 20h. Le choix, évidemment, un choix évident pour Philippe Fosseux, président de cette association. Et je vous rappelle que vous écoutez Radio Fadjet, discothèque classique, on est ensemble jusqu'à midi. Alors Philippe, vous avez eu envie d'écouter un peu de Verdi, le fameux Cœur va pensiero du Nabucco. Pourquoi ce choix ? Oh, c'est un... Ça, les choix que je fais sont toujours guidés par le sentiment de satisfaction que j'ai à écouter de grands airs ou de très beaux thèmes ou des ensembles extraordinaires. Le choix là, il est celui d'une... Celui du cœur. Du cœur d'abord et puis de l'esprit, parce que c'est vraiment... Là, un des grands chœurs de Verdi, c'est tout à fait extraordinaire. Et puis de se dire qu'on se resitue au temps de Nabucodonosor, c'est assez intéressant aussi quand on écoute la chose. Ouais. On va écouter donc ce fameux chœur, ça fera plaisir à beaucoup d'auditeurs, je pense. Le chœur du Staatsoper de Vienne, l'orchestre du Volksoper de Vienne, tous dirigés par Wilhelm Loebner. bien, dites donc, Philippe, vous avez choisi de nous surprendre avec une version en allemand du Nabucco de Verdi. Et oui, et, alors avec les chœurs de, le, du Staatsoper et le, l'orchestre du Volksoper, le tout joué à Vienne il y a quelque temps, ouais. Il était assez logique qu'il donne une version allemande, oui, c'est qui n'est pas courant quand même. Non, mais c'est vrai qu'à une époque, ça se faisait de chanter dans la langue du pays où le, l'ouvrage était représenté. Maintenant, ça passe moins bien. Maintenant, ça passe moins, ça se fait moins, effectivement. On est plus fidèle à l'original. Oui, on est des puristes maintenant. On est plus alors, puristes. Alors, donc, Philippe, vous avez fait le programme de cette émission, programme musical, et vous avez eu envie de nous faire découvrir un peu la musique de George Onslow. Et là, ça va être une découverte pour moi, parce que je connaissais ce compositeur, mais je ne connais pas sa sonate pour piano à quatre mains. Et c'est un, alors c'est un compositeur qui est relativement peu joué, peu connu. C'est injuste d'ailleurs. Et c'est très injuste, hein. C'est un contemporain de Schubert et il a fait une musique très très agréable, très enlevée et très technique. Moi je trouve que c'est très intéressant. Donc je voulais, je trouvais que cette sonate à quatre mains était très représentative de ce qu'il faisait. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi. Donc, très bon choix, parce que ça va, je pense, c'est une découverte pour beaucoup. On va écouter un extrait de cette sonate pour piano à quatre mains en mi mineur, le final agitato, avec Laurent Martin et Thierry Ravassar au piano. Thank you. et ainsi de suite. C'était un extrait de la sonate en mi mineur pour piano à quatre mains de George Onslow par Laurent Martin et Thierry Ravassar. Le choix de mon invité, Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. On va rappeler le concert quand même du 2 mars. 2 mars, lundi 2 mars à 20h, donc très bientôt. Oui, et donc Jean-François Esser et le Quatuor Talisch. Jean-François Esser et Quatuor Talisch, effectivement, avec deux parties différentes. Une partie musique espagnole pour démarrer et une deuxième partie avec le magnifique et mythique quintet opus 34. Voilà. Je rajoutais opus 34 pour les spécialistes. Pour les spécialistes, là. Bon, ensuite, vous avez eu envie de nous faire partager un peu un coup de cœur que vous avez pour un disque qui vient de sortir. C'est le disque du trio Wanderer qui a enregistré des trios de Debussy, Ravel et Lalo. Et là, on va écouter un peu du trio de Debussy. Alors, le trio Wanderer, ça, je suppose aussi qu'il doit être, ils doivent se l'arracher, tous les, comment dire, les programmateurs de concert. Oui, c'est ça. J'ai pas trop de mal à avoir le trio Wanderer, parce qu'ils aiment beaucoup venir jouer à Nancy. Ils sont devenus des amis depuis le temps où ils viennent. Et en plus, c'est leur 40e anniversaire l'année prochaine. Ah oui, moi, je les invite même l'année prochaine, s'il y aura un concert trio Wanderer, qui sera à la fois le 80e anniversaire de l'ALMC, oui. Le 40e des trios Wanderer. Oui, je ne pensais pas qu'ils existaient déjà depuis 40 ans. Hein. Et c'est surtout 40 ans avec les mêmes. Avec les mêmes, oui, c'est vrai. Et que c'est ça, un trio. Et ça, c'est très rare. Il y a toujours, en général, un ou l'autre qui décide de faire jeu solitaire. Non, pas du tout. Là, ils sont ensemble depuis toujours et ils le restent. Allez, sur Radio Fadjet, dans Discothèque Classique, un extrait du trio en sol majeur de Debussy par les Wanderer, comme on dit. Thank you. magnifique version du trio de Debussy, le final par le trio Vanderer. Vous écoutez Radio Fadjet, discothèque classique, qui reçoit aujourd'hui Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. Très bon choix, Philippe. Bah, diapason d'or. Et puis, je pense un des trios les plus emblématiques en Europe aujourd'hui. Ça fait partie de ces trios incontournables dans une programmation. Alors, on va enchaîner maintenant avec une autre œuvre que vous avez eu envie de faire écouter à nos auditeurs. C'est Les Planètes de Gustav Holst, le compositeur anglais. Tout à fait, ça c'est un de mes CD préférés. Si ah je oui. C'est une des œuvres que j'écoute à n'en plus finir, parce que je trouve qu'elles sont tout à fait extraordinaires, ces planètes, quelles qu'elles soient, que ce soit Mars ou Jupiter. Il y a une orchestration fantastique, on sent la passion qu'a mis Holst à. C'était sa passion, l'astrologie d'ailleurs. Donc c'est pour l'astronomie. Ça l'astrologie, lui, il était plutôt astrologique qu'astronomie, et il recherchait dans les planètes, les caractères de ces planètes pour les transposer en musique. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant. En général, les gens, d'ailleurs, programment, j'ai remarqué, plutôt Mars, la guerre. Mars est plus célèbre. Ouais. T'as inspiré la guerre des étoiles, la musique de la guerre des étoiles. Mais moi, j'adore Mars, bien sûr, mais j'aime beaucoup Jupiter. Ah ben, on va s'en rendre compte. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Jupiter. On va découvrir la musique de Holst, pour ceux qui ne la connaissent pas. Musique extrêmement élaborée, avec le Royal Philharmonic Orchestra, dirigé par Sir Charles Groves. Thank you. extrait de Jupiter tiré des planètes de Gustav Holst avec le Royal Philharmonic Orchestra, direction Sir Charles Groves, le choix de mon invité, Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de Musique de Chambre. Bon, on arrive dans les dernières minutes de l'émission. Philippe, rappelez-nous le concert. Le concert du 2 mars, lundi 2 mars à 20h, avec en première partie Jean-François Esser et une sélection d'œuvres de musique espagnole au piano. Mm-hmm. Et en deuxième partie, avec le quatuor Thalys, Jean-François Esser, et la grande œuvre de Brahms, le quintet pour piano opus 34. Il y a encore des places ? Il y a encore des places, oui. D'accord. Donc on est à 15 jours encore. On se renseigne directement à la salle Poirel. Directement sur la salle Poirel, soit online, soit directement au guichet. D'accord. On va écouter le dernier choix de votre programmation musicale, Philippe, et c'est Schumann, Les scènes de la forêt, joué par Claire Désert. Claire Désert, c'est aussi une artiste que vous avez reçue ? On l'a reçue il n'y a pas très longtemps. C'est une artiste qu'on aime beaucoup et qui est, je vais dire, qui a une grande sensibilité dans ses interprétations. Et elle joue magnifiquement bien cette œuvre, l'œuvre que j'ai choisie. C'est simple, c'est harmonieux, c'est beau. Oui, voilà. Des petites vignettes, beau piano. Des vignettes musicales autour du thème de la forêt. La forêt des romantiques, bien sûr. Oui, ça va être la forêt romantique allemande. Sa poésie et ses mystères. Oui, oui, oui, c'est ça, avec les très beaux tableaux qu'on peut imaginer, la brume dans les vallées. Voilà, les tableaux de Friedrich... De Carl Friedrich. Oui, Carl Friedrich. Allez, on va écouter la scène de chasse, tirée donc de ces scènes de la forêt de Schumann, par Claire Désert. Magnifique Claire Désert dans les scènes de la forêt de Robert Schumann. Merci Philippe Fosseux d'être venu nous parler de ce prochain concert le 2 mars. Oui, et ben c'est un plaisir pour moi d'en parler et de rappeler Jean-François Esser et le quatuor Thalys pour ce très très beau concert. Eh bien voilà, donc rendez-vous lundi 2 mars à 20h, salle Poirel, pour ce nouveau concert de la LMC. Voilà, bon samedi à toutes et à tous, et à demain pour une nouvelle émission de Discothèque Classique à partir de 11h jusqu'à midi. Bon samedi!